heureux qui chaque matin s'augmente de son amour comme le rosier de sa rose. Je te veux. On ne te voit que quelques instants, mais ta beauté est si intense que l'on s'en souvient toute notre existence. L'envie nous maintient en vie. Une femme qui aime transforme le monde. Une vie sans amour, c'est une vie sans soleil. Je te veux. Je t'aime. Thank you.